ils avaient déjà des dents. Ils mordaient l'obstétricien pendant tout l'accouchement. Les sages-femmes n'en revenaient pas, ils réclament des steaks, c'est leur premier repas. L'un d'eux était violent, l'autre était cruel. À 2 ans, ils tuaient leur hamster par de méchants coups de pelle. Leur bulletin scolaire transpirait la souffrance des profs qui subissaient sans cesse leur malveillance. Que cette année, que cette fille, que cette fille, que cette fille, que cette fille. Les écoles où ils s'usèrent leurs fonculeuses ont fermé après leur passage. Le plus grand torturé les boutons de sage comme des images. L'autre, moins grand, forçait ses camarades avec conviction à insulter l'enseignant sous peine de mutilation. Que cette année, que cette fille, que cette fille, que cette fille. À 16 ans, alors en ses mains, ils purent arrêter leur scolarité. Le stomate malin les avait repérés. Il leur a pris la guitare et les accords puissants. La cognée sur les fûts jusqu'à ce que coule leur sang. Que cette année, que cette fille, que cette fille, que cette fille, que cette fille. Il avait déjà en tête l'écriture de son POM et ressentait les bienfaits de l'apport de QSM. Les gaillards assoiffés de bêtises, de violence, exposeront sa thèse violente comme du feu à France. Des scènes tout petits avec vol plus grand et destin. Le soir à des surveillés profitant son dessin. Bientôt la véranda les accueillera en son sein. À coups de rires malsains et d'arpèges assassins.